Chapitre 3e. Sangue de Dio. Quand Isaac avait vu arriver papa, le perroquet du boulevard Bourdon, il l'avait accueilli sans enthousiasme. On se rappelle qu'Isaac avait, dans la maison de Fouinard, des droits supérieurs de ceux qu'on ne discute pas. Sur le point d'être offert en holocauste à l'intérêt général, il n'avait dû son salut qu'à l'intervention inopinée d'un rat, dont la voracité lui avait sauvé la vie. Ce fait de s'être trouvé au bord de la tombe, cimetière des chiens, avait appliqué sur le crâne pelé d'Isaac un sceau qui le rendait sacré, tabou, comme disent les nègres, et l'animal abusait de ce caractère respecté pour faire ses quatre volontés, exploitant la mansuétude de Suzon, la faiblesse de Michel et de la jeunesse de Fouinard, avec lequel il faisait d'étonnantes parties de bal. Il mangeait beaucoup, se montrait difficile sur les aliments autant qu'un dyspeptique, aboyait d'une voix enrouée qui n'avait rien de mélodieux, et Suzon devait le pourchasser pour l'empêcher de s'oublier dans les coins. Et on l'adorait. Il avait un nez pointu, avec une bonne truffe noire au bout, des yeux malins, des oreilles qui, pour être courtes, n'en étaient que plus expressives, et un bout de queue, en pattes de lapin, qui témoignait de joie fréquente et mobile. Il ne craignait qu'une seule chose, Justine. La canne de Fouinard lui apparaissait comme une personne en chair et en os, un peu maigre, il est vrai, un peu pointu avec son bec de nickel, mais doué d'un pouvoir magique. Quand Fouinard parlait à sa canne, lui exposant ses idées et réclamant son avis, Isaac, assis sur son derrière, ne perdait pas un mot de sa conversation, et Justine, immobile mais attentive, lui semblait vivante. Et quand Fouinard, après quelques méfaits, dirigeait vers le cabot la pointe de Justine, Isaac, penaud, le nez à terre, était médusé. Mais il s'était habitué à vivre avec Justine, ayant remarqué dans sa jugeote de chien que quand il se conduisait convenablement, il n'avait pas maille à partir avec elle. Cela faisait donc en somme un ménage à cinq, Fouinard, Michel, Suzon, Justine et Isaac. Mais voici que par la force mystérieuse des choses, un intrus avait été introduit dans la thébaïde du faubourg Saint-Martin que Fouinard avait bien entendu réintégré après l'affaire des timbres-poste. Et cet oiseau, pas beau, le perroquet commun, sans une bribe de bleu ni de rouge, sans aigrette, aux yeux ronds bordés de gris, n'était-il pas l'objet de toutes les prévenances de Fouinard? Toto l'avait installé dans son cabinet, sur un bâton d'acajou acheté tout exprès. Il passait des heures entières avec lui, ayant expulsé Isaac, consigné sa porte et interdit de la façon la plus absolue qu'on lui adressât la parole. Du reste, papa n'était rien moins qu'aimable. À peine entré dans la maison, il avait pris son attitude de combat, hérissant sa crête, enflant ses plumes, et comme Suzon avait émis la prétention de lui gratter la tête, il lui avait lancé un coup de bec qui, si elle n'avait retiré sa main, lui eût coûté une forte entaille. Fouinard avait alors expliqué que si cet animal était nerveux, cela tenait aux émotions profondes qu'il avait ressenties et dont le contre-coup se faisait encore sentir dans ce cri qu'il proférait sans cesse « Ça y est, oh ! Ça y est, oh !»« Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire ?» s'écriait Suzon. « Un perroquet, ça parle français. »« Petite Suzon, ne vous avancez pas. Méditez cet axiome. Un perroquet parle la langue des gens avec qui il vit. Mais passons. » J'attends tout à l'heure un monsieur, que je ne connais pas, mais qui m'est envoyé par un ami. Il sera porteur d'une caisse. Vous le ferez entrer chez moi. Je vous confie, papa, que vous aurez la bonté de mettre dans la cuisine en couvrant sa cage d'un morceau d'étoffe afin qu'il ne voie rien. Vous ferez le silence autour de lui pour qu'il n'entende rien et nous verrons plus tard. Ainsi fut fait, et une heure après, la personne attendue arrivait avec sa caisse enveloppée d'un étui de drap. Monsieur, dit-il à Fouinard, quand il lui était introduit dans son cabinet. « J'étais prié par un de nos amis communs, le docteur Tozanne, de me mettre à votre disposition. Vous n'aviez pas besoin d'intermédiaire, votre nom suffisait. J'ai, comme j'y ai été invité, apporté le meilleur instrument dont je puisse disposer. Je suis à vos ordres. » Fouinard le remercia vivement de sa complaisance. La caisse fut ouverte. Elle contenait un phonographe, un véritable bijou. « Ce phonographe, reprit le visiteur, n'est pas un objet de commerce. Attaché, comme vous le savez, à la grande maison Pathé, je suis chargé spécialement de rechercher les perfectionnements qui pourrait être apportée à ces appareils. Ce modèle est absolument nouveau, n'a aucun des inconvénients reprochés au phonographe ordinaire, enregistre et reproduit le son avec une pureté extraordinaire. Voulez-vous en juger ? Pas encore, dit Fouinard. Voulez-vous me prêter attention un instant ? Si je profère des hérésies en matière de phonographe, arrêtez-moi. Mais autant que possible, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Je vous écoute attentivement. Selon que l'on parle plus ou moins vite dans le phonographe, les sons se trouvent plus ou moins détachés. C'est exact. Nous recommandons toujours, quand la chose est possible, une diction claire et précise. Quand la chose est possible, comme vous le dites, c'est-à-dire quand le parleur, dont vous enregistrez le verbe, est dans une situation telle que vous puissiez commander à son acte. Vous lui dites « parlez de telle façon » et il vous obéit. Tout cela est parfaitement raisonné. Mais quand un individu ne parle pas pour le phonographe, vous n'avez plus aucune action sur lui. En effet, vous saisissez sa parole telle qu'il la profère, brutalement, violemment, ce qui produit probablement à la reproduction par l'instrument une sorte de bredouillement. Cela se passe souvent ainsi. Et cependant, il se peut que cette parole, cette phrase, qui était jetée par le parleur rapidement, brusquement, ait été par lui et pour lui très bien articulée. Mais elle n'est parvenue à l'oreille de l'entendeur, permettez-moi ce nom, ou au vibrateur du phonographe, qu'en son confus, chevauchant quelque sorte les uns sur les autres. Le phonographe entend comme l'oreille de l'homme et il rend la résultante des sons émis. Mais n'a-t-il pas enregistré ce que j'appellerais le détail de ces sons, le stylet, si courte qu'était l'émission, n'a-t-il pas, à votre avis, saisi le son dans ses éléments mêmes ? J'avoue ne m'être jamais préoccupé de cette question. Eh bien, voilà mon idée. S'il est absurde, n'hésitez pas à me le dire. Je suppose qu'un homme ait proféré dans un instant de rage un juron violent, nom de Dieu par exemple, mais qu'il ait été lancé si vite qu'il ne soit parvenu à l'oreille que des sons invertébrés, honneux, par exemple. Le photographe ne répétera que ces sons-là, mais je crois qu'il a enregistré les mots réellement prononcés dont la vitesse seule a défiguré la contexture. Alors suivez-moi bien. Si je puis ralentir le mouvement reproducteur du phonographe à ce point de décomposer en quelque sorte les sons dont la résultante est telle que nous l'avons dite, ne pourrions-nous pas reconstituer les mots réellement prononcés ? Je n'émets là qu'une hypothèse, basée sur un raisonnement logique, mais peut-être non pratique. Il est du plus haut intérêt que sous une exclamation, un cri prolongé, je puisse retrouver la carcasse des mots prononcés qui, quant à présent, sont inintelligibles. Croyez-vous que la chose soit possible ? Possible peut-être. J'ai bien écouté votre exposé, il me frappe. Il faudrait faire des expériences, peut-être nombreuses. L'appareil que j'ai apporté munit d'un mécanisme extrêmement délicat, qui peut retenir le mouvement du disque à 1/50 de seconde. Et ce qui confirmerait votre théorie, c'est que quand le mouvement du disque est ramené à cette lenteur, les sons semblent se diluer, s'émietter, en quelque sorte, et que des défauts, qu'on n'entend pas à la vitesse ordinaire, se révèlent impitoyablement. « Bravo !» dit Fouinard. « Alors, puisque vous voulez bien me prêter votre ministère, nous allons procéder immédiatement à un essai. » Il sortit de son cabinet et pria Susan de lui apporter papa. La jeune fille arriva, tenant à bout de bras la cage de l'animal qu'elle posa sur le bureau. Elle était couverte d'un jupon bleu qui obstruait la lumière. « Il y a là-dessous, dit Fouinard, un perroquet. »« Le perroquet du boulevard Bourdon ? » s'écria le phonographiste. « Vous vous occupez de cette affaire ? Ah, que vous avez raison ! Je ne connaissais pas de plus mystérieuse et de plus passionnante. Ce pauvre Jean massacré, cet enfant qu'on veut achever. Ah, c'est l'impression que vous a faite à vous aussi l'affaire de l'hôpital. Certes, et sauver ce pauvre petit, ce sera faire une belle et bonne action. » « C'est-à-dire bien digne de vous, monsieur Fouinard. »« Je ferai de mon mieux, » dit Toto. « Je vous remercie de la bonne opinion que vous avez de moi, mais je compte sur vous et sur l'expérience que nous allons tenter. »« Ne vous étonnez de rien. J'évite les explications inutiles. Préparez votre instrument pour enregistrer les sons qui vont être proférés. »« C'est fait, » dit le phonographiste, Dès que vous me donnerez ce signal, il se mettra en marche. À la vitesse normale, bien entendu. Bien. Attention. Vous agirez au moment où j'enlèverai le voile qui couvre la cage. Alors Toto tira de son bureau un long couteau qu'il ouvrit. La lame brillait toute neuve. Puis, remuant violemment son fauteuil, il le renversa, tapa des pieds, enfin arracha le morceau d'étoffe qui couvrait la cage de l'animal et lui ouvrit la porte, en même temps qu'il faisait miroiter dans l'air, en l'agitant, la lame de son couteau. Et le perroquet, hérissé, affolé, de s'élancer hors de sa cage et de tournoyer dans la pièce, se heurtant en muraille et hurlant « Ça y est où ? Ça y est où ?» Comme il s'arrêtait, haletant, Fouinard le saisit par le cou avec une dextérité pleine de prudence et le refourra dans sa cage. L'animal alors répéta encore son cri bizarre, mais le fit suivre de cette autre onomatopée non moins singulière. « Bondi, Yako, Bondi !» Fouinard regarda le phonographiste. Celui-ci lui fit signe que l'instrument enregistrait toujours. Fouinard attendit encore un instant, mais la pauvre bête, comme brisée de fatigue, s'était tassée sur son bâton et fermait les yeux. « Arrêtez l'instrument, » dit-il, « je vais rendre papa à sa petite maîtresse. » Il prit la cage, la remit aux mains de Susan, puis referma la porte. « Vous m'avez dit, cher monsieur, que je devais m'occuper de l'affaire du boulevard Bourdon. Il vous semblait, comme à beaucoup, que je fusse muni d'un pouvoir magique qui facilita singulièrement ma tâche. Il n'en est rien. Fouinard je suis, et rien de plus. Pas magicien pour un sou. Et je vais vous dévoiler mon truc. Cet animal était avec ses maîtres lorsque l'épouvantable forfait a été commis. Ce cri étrange, sauvage, qu'il profère d'un air affolé et qu'il a renouvelé tout à l'heure, plus violemment que jamais, quand j'ai joué la terrible scène, à mon avis, il l'a entendu dans cette circonstance tragique et soudainement, il s'est implanté dans son cerveau d'animal et il le répète et le répétera, tant que sa mémoire le conservera. Et ce cri peut vous donner une indication sur la personnalité de l'assassin. Vous m'avez compris. Devinez-vous alors pourquoi j'ai eu recours à vous. Ce cri est là, gravé sur un de vos cylindres. Il apparaît incompréhensible. Il nous faut l'étudier, lui arracher le sens qu'il cache. Oh oui, j'ai compris. Je ne saurais vous dire combien tout cela me passionne. Que l'appareil répète donc ce qu'il a enregistré. Je sais que la reproduction sera parfaite. Il mit le phonographe au point, appuya sur le ressort qui mettait le cylindre en mouvement avec la pointe tournante, et, attentifs, ils écoutèrent. Le cri se reproduisit tout à fait identique à ce qu'ils avaient entendu. Puis ce furent les trois mots « Bondi, Yako, Bondi ». « Recommencez, je vous prie, ces derniers mots, » dit Fouinard. « Ce qui nous semble être Bondi. Écoutez attentivement avec moi. D'abord, vous entendez bien que le « on » du mot « Bondi » n'est pas prononcé nasalement, mais que le son est une sorte de rebondissement. Encore. Entendez. C'est Bondi, la consonne « n » étant accentuée. Oui, oui, mais j'entends autre chose, il me semble. Ce n'est pas Bondi, mais semblerait-il Bionedi. Brunedi, il y a quelque chose. » Et 10 fois, le phonographe répétait le mot. Alors, sous l'avis de Fouinard, on ralentit le mouvement du cylindre et l'articulation devinée, plutôt qu'entendue, s'accentua. « Brunedi !» s'écria Toto. « Oui, c'est bien cela !» Fouinard se laissa tomber dans son fauteuil. « En vérité, je suis plus ému que je ne saurais le dire. Il me semble que nous soulevons un voile qui nous cache l'inconnu. Avez-vous compris ce mot d'allure bizarre ?» Ma foi, je cherche. Non, je ne me trompe pas. N'avez-vous pas lu dans les journaux que le matin, la pauvre Madame Prouveau ouvrait au fournisseur en portant sur l'épaule son perroquet qui disait « Bondi, Jaco, Bondi ». En effet, je me souviens de ce détail. Eh bien, l'animal ne disait pas « Bondi, mais Bondi », c'est-à-dire « bonjour ». Et Jaco n'est pas Jaco, mais Jaco, c'est-à-dire Giacomo, Jacques, le nom du petit. Et vous en concluez que les Prouveaux, aux cheveux bleus et à la peau brune, ne sont pas des Provençaux, mais des Italiens ou des... » Il s'arrêta. Sans doute, une nouvelle idée venait de jaillir en lui, mais il la gardait in petto. « Vous dites vrai. Et la preuve, c'est que maintenant que nous sommes prévenus, nous entendons clairement Buondi. » Ces mots, papa, abréviation du mot papagallo, qui signifie perroquet en italien, les avait appris de sa maîtresse, de celle qui a été tuée. Et maintenant, il nous reste à savoir ce que signifie l'autre groupe de sons. Étudions. Faites répéter ce cri à la vitesse normale d'abord, puis plus lentement, aussi lentement que possible. Et le phonographe de cri à son tour. Saïo. Fouinard, le front plissé, les yeux fixes, tendait toutes ses facultés en un seul effort, auditif et analytique. J'ai peur de me tromper, dit-il, de prendre mon désir pour la réalité. Voyons, écoutez bien vous-même. Il ne dit pas Sei, mais Sané. Le son est très faible, mais il existe. Dites, est-ce que je m'abuse? Non pas. Mais à mon tour, je dis qu'il y a autre chose que Sané. Il y a une articulation entre ce son N et le E qui le suit, comme une gutturale à peine accentuée. Encore, encore, dit Fouinard, que possédait la fièvre du chercheur. Sangre de Dio, cria-t-il, venez avec moi. Il entraîna l'autre dans la cuisine où le perroquet, sous son voile, était redevenu muet. Sangre de Dio. Sang de Dieu, hurla-t-il de toute la force de ses poumons. Et papa de crier à son tour. Saïo. Saïo. Entendez-vous? S'écria Fouinard dont le visage s'était éclairé d'une lueur enthousiaste. Sang de Dieu, le juron féroce de l'assassin. Celui qu'il a proféré dans le paroxysme de sa rage en frappant ses malheureux. Italien, les assassins. Italien, l'assassin. Mais le pauvre père parlait français, dit Susan. Fouinard, se ressaisissant, lui tapa gentiment la joue. Merci, ma petite Susan. Votre observation est tout à fait juste, et je la recueille, comme venant l'appui de certaines hypothèses. Et sa nature de gamin reprenait le dessus. Ah, mince de veine, s'écria-t-il. Monsieur le phono, vous êtes un chouette type et vous m'avez rendu un rude service. Sangue de Dio. Saio, répéta rageusement le perroquet en crispant les griffes sur son bâton. Je ne vous ai seulement pas demandé votre nom, dit Fouinard au phonographiste. Excusez-moi, j'avais la tête en compote. Je m'appelle Thiroux. Et je suis content que vous gardiez mon nom, comme celui d'un brave garçon qui vous est et vous restera dévoué, et que vous pourrez appeler quand bon vous semblera. Voici mon adresse. 48 rue du Conservatoire. Ah, si vous pouviez encore avoir besoin de moi pour tirer cette épouvantable affaire au clair. Qui sait, c'est possible. Pour celle-là ou pour une autre. C'est un bien bel outil que le phonographe. Sangue de Dio.